N'aie pas peur d'aller dans le 9-1, d'aller prendre le train pour voir mes ninjas plus fous qu'Alexandre Lebrun. À présent je craque les tasses et mange le pain de nos pirates qui prêtent allégeance demain. C'est carrément gueudin. Mon équipe est illicite, le crack crépite comme des crispies. Les gueux là sont des rois avec des cailloux. Je veux une teucar noire et le compte en banque de mon Ayou. Gros canaillou, tu veux sucer de la sucette? Sache que le venin passe par l'urètre. Si tu veux fumer de la fumette ou sniffer de la zipette, venant de l'urètre passe par la tirette. C'est la crème qui t'agresse en direct de la tête. Une invite, je l'accepte, toujours OP de A à Z. Ça découpe au laser, du détail mal viscère. J'investis sur des bails et je raconte ma vie de merde. Ne crie pas dans ma tête, ce serait pas raisonnable. C'est la crème et son réseau qui frappe comme des vrais sauvages. Fais pas style, on se connaît si tu fais des castings. Car moi je suis pas dans le move, wanna wanna et c'est parti. Te prends pas pour un tueur si t'as un CV vierge. C'est dur de se réinsérer, j'arrive pour laisser des miettes. Fatigué, trop de charbon, trop de bédos, trop de kilomètres. Trop de problèmes, trop d'embrouilles, la justice m'a trop pris de collègues. Sucé. Fréco, d'accord. Twinkie, la crème du 9-1. Sucé ma sucette, un rap qui colle entre les dents. Les chiens sales sont là pour faire paniquer les gens. J'marche avec mes acolytes, on joue au poker qu'avec les sauces alcooliques. Après avoir rabattu 2-3 chacades bien cuites, il faut pas qu'on oublie de nettoyer nos bites. La vie est pleine d'épreuves à esquiver. Il faut pas qu'on oublie de les entourlouper. Nos petits couteaux sont aiguisés. On se les est tous fait péta par les XD. C'était l'association de dingo. Écoute la concentration de bon. Depuis tout petit, on a des scalpels dans le cartable. Pas de partage, nos rêves sont cachés par un pare-balles. La vie fait pas de cadeaux, donc négro fait pas de galère. Si tu veux faire le cascalo, j'espère que t'es bon cascadeur. Baisse la tête et guette toutes mes têtes grainées. Les nerfs de la tête passent partout, ces mecs baisés. Ici c'est Big Twink, MDB Yalka. Ça sent le bling bling, non, chip et des le 4-4. Ça sent les bitches et le kiff, le bise et le bif. Le risque et les chiffres, s'il faut, faut bip et l'équipe. On est vif à la graille, on est des cascadeurs. 91 types en négro, rien des castagneurs. Sucé. La crème du 9-1, bande de putains, d'apro, nos, sucé, si. V'là le 9-1 phénomène, hélomène, d'apro tient les pendules et au fait. Pack du sous-vide dans le tête, y'a pas de c'est qui, c'est l'opette. Ramasse tes fans, hey, j'ai même plus que mes saloperettes. Psychopathe, j'y c'est le van de l'ombre, l'MC jaillit sous l'halogène. Al Capote, ramène la crème, j'égrave la dalle, c'est pas de la soupe. La pile électrique, électrocute ta haine, j'serai épargné par la foudre. Y'a pas de soupe, j'écarte tout. Parodie de la plaque, les gars, foutent des sales coups faits pour torpiller la classe. Aux Ulysses, on a le palmarès, un parchemin très complet. Seuls les frais touchent la scène, le bonhomme Michelin s'est dégonflé. Concret ou contact concluant, je frappe ça pour blood. Plaque ton dé à table, ton label et marque à coup de flow. J'arrive en ivresse pour les frères qui pillavent dès le matin. Ceux qui encaissent 40 degrés malgré leur douleur à l'intestin. On boit beaucoup trop, on fume grave et on mange peu. On baroude avec des poteaux, une lame et de la haine plein les yeux. La vie est speed, donc on se doit d'être en avance. On est fiers d'être des sales types. On doit ta femme en ton absence. Salope, bébé gate pas quand on débarque sur le terrain. Un sauce de gueudin, MDP, les chiens sales viennent du 9-1. On a la rime crade, du son pad et des potes d'arc. On bouffe des chasses, on a même les jerrycans pour que les porcs crament. Dans mon crâne, ça se co-circuite, mes neurones font la gueule. On squatte les gratte-ciels pendant que toi t'es encore à l'accueil.